Charles Mazondo, egunon. Egunon. Beraz, Donapoleko agiantzak aipaturik izan dira. Donapoleko bizia segitzen dugu, Monika Legartorekin hilabetero Herriko Kontseiluko bilanak eta bizia urbildik segitzen baitugu. Bon, azpimarratzeko, biak eraman duziela gaurko agiantzak ere, bizkuntzetan egina izan dela. Eta, bon, zuri 2024 urtea aipatzen badugu. Zer atxikitzen duzu? Ah ben 2024, d'abord, ce que j'ai dit tout à l'heure, on est venu trois fois voter, donc déjà, une fois c'était prévu, mais trois fois c'est un petit peu étonnant, bon, ça concerne un petit peu tout le monde, mais enfin voilà, et ensuite derrière, 2024, ça a été une année, justement, on a été un peu victime de cette instabilité bon, budgétaire, avec des annonces gouvernementales, des budgets dont on dit qu'ils ne seront pas distribués, que les projets ne pourront pas se faire, et voilà, c'était un petit peu traumatisant, quelquefois, en disant, ouais mince, on a monté les projets, et puis on nous dit, ben non, vous n'aurez pas le financement, mais bon, on les avait un peu anticipés, heureusement. Donc, les projets que j'ai annoncés en 2025, c'est des projets qui sont déjà déposés depuis le 23-24. Donc, ça va aller, mais j'ai un petit peu de crainte pour l'avenir par rapport à ça, et par rapport aux communes et par rapport à leurs possibilités. Et tu sais ça, quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que ikusten dugu badela boom bat Donapolen, horrek ere populazio berri bat ekartzen ditu, populazio berri horrek ere ohiturak erritipetakoak edo zienganako ere aipatu zute, zibilismo eskasa ere senditzen zenutela, ze panorama egiten dugu biztanlegoaren artean, komertzioetan ere alarma gorria zapatzen hasi ziste. Pour ce qui est des commerces, d'abord, donc, il faut avoir une lecture bon, un peu plus sophistiquée. Hein, fait, je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les commerces ne ferment pas parce que c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes d'âge, essentiellement, ou un manque de porteurs de projets. On a trois commerces, notamment, qui vont fermer, non pas parce qu'ils n'étaient pas rentables, parce qu'ils gagnaient, enfin, moi, je les ai rencontrés, donc, pas de porteurs de projets, mais en fait, ils mettent la clé sous la porte, ils arrêtent le bail et ils arrêtent. Donc, aujourd'hui, notre travail à nous, c'est de trouver des porteurs de projets. On va entamer maintenant donc avec une association une recherche de porteurs de projets pour mettre en face des porteurs de projets en face de propriétaires, parce que peut-être que les bah, les locations sont peut-être un petit peu élevées, peut-être aussi il y a ça, tout ça qui rentre en ligne de compte. Et le paradoxe, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est que la population, elle augmente légèrement, mais pas qu'à Saint-Palais, elle augmente aussi dans le Micoussé. Donc dans le Micoussé, on a plusieurs villages qui augmentent en population, y compris dans la couronne de Saint-Palais, et que paradoxalement, ces commerces traditionnels, donc, ils ferment pas par économie. Alors, quelques-uns, oui, un par rapport aux sociétés économiques, les autres, non. Et donc, moi, j'ai lancé un appel, je dis, faites vivre votre commerce de proximité. C'est vrai pour Saint-Palais, mais c'est vrai pour tous les villages et toutes les villes du Pays Basque, parce que j'espère, en tout cas. Lizeoa, aipatuko zu, ez duzu aipatu, baina bada proiektua xaskak eramaiten duna, berriki bilduzizte xaskakoekin ere, zertan da amikuse do Donapole interesatu da proiektu hortaz? Ben, d'abord, on les a reçus ce matin, donc c'est tout frais. Donc, on les a reçus ce matin, on a candidaté en décembre, quand on a su qu'ils avaient un projet. Et donc, nous, on a un terrain, on a en tout cas un espace, en tout cas, qui est favorable pour accueillir ce genre de projet. C'est donc l'ancienne friche VVF. On a déjà deux projets fléchés. Le premier, que donc on espère qu'un jour, le centre aéré porté par l'agglo émergera dans cet espace-là. On a un second espace qui était sur lequel on avait fléché donc un projet du département, un projet qui s'appelle SOS Village d'enfants, qui réunit les fratries d'enfants de familles séparées pour les remettre dans un village où ils seront donc coucounés jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'est un gros projet également porté par le département. Et il nous restait des surfaces disponibles et on leur a proposé cette surface-là. Donc nous, on a candidaté, on a postulé. On a essayé de faire valoir nos arguments ce matin. Hein. On dit que voilà, un Pays Basque intérieur, on estime que Saint-Palais est bien placé, c'est un carrefour. On est pas très loin de la côte, on n'est pas très loin de nulle part, on est proche de tout le monde, donc c'est des atouts qu'on a essayé de développer auprès des membres de CHK. On sait qu'on est en concurrence avec deux autres villes, Ustaritz et Itsasu. Donc voilà, on espère que voilà que quelque part en Pays Basque intérieur, un lycée en Euskara, mais un lycée de CHK, le deuxième lycée, ce serait vraiment une bonne nouvelle pour le territoire aussi. Voilà. Mais d'abord, la concrétisation des trois projets, assez importants, hein, notamment le marché couvert ici, avec cette rénovation qu'on souhaite pour améliorer l'esthétique de ce bâtiment qui a été fait pour le marché au gras à l'époque, le marché au gras qui n'existe plus. Donc il faut qu'on se mette un petit peu à la page, qu'on retrouve un bâtiment qui sert comme aujourd'hui pour les vœux de la mairie, mais qui peut servir à d'autres occasions également. Quoi. Il faut que ce soit un bâtiment municipal qui tourne davantage qu'un matinée par semaine. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième, c'est donc la tâture du fronton, où on veut vraiment avoir une petite maison d'association. et qui ça servira aussi de salle pédagogique pour les écoles, les lycées, puisqu'on a un espace public qui est aussi qui est trop peu utilisé, et le but c'est de le faire utiliser. Donc cette maison va l'aider. Le troisième projet qu'on a, c'est le déménagement du musée de Basse Navarre, qui est fermé, qui est un très beau musée avec des belles collections, et donc sur lequel on va raconter l'histoire de la Navarre, l'histoire de Saint-Palais, et puis l'histoire du pays tout court, du pays dans lequel on vit à Micoussé, que ce soit en domaine agricole, que ce soit donc sur d'autres domaines. Donc on va raconter tout ça donc, sur le site Biliac, c'est le déménagement est prévu cette année. Agiantzak hasi dituzu, hauteskundak aipatu, zeiru bozkatzeko parada izan zela urte pixua hauteskunden aldetik, 2026an izanen dira ondoko hauteskundeak, hasi existe, pentsatzen horri? Alors moi pas du tout. Moi, pas du tout. Je suis justement vraiment la tête dans le guidon, comme on dit. Ces trois projets que je veux vraiment mener à bout. Hein. Et puis d'autres projets, peut-être que le lycée chez Aska sera là. On a d'autres projets également sur le quotidien, hein, pour améliorer la lumière, diminuer la consommation d'énergie dans Saint-Palais. Enfin voilà, on est sur plusieurs étapes. Et franchement, je suis tellement dans le guidon qu'aujourd'hui, je ne pense pas au reste. Askenitzvat. Bonne année à tous qui nous écoutent. En tout cas, voilà, Urte Berrion. Et puis j'espère que partout, vous serez dans le village ou à partout, que vous aurez aussi les mêmes soucis de faire vivre votre pays et votre village.